إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du sharh du sahih de l'introduction de Sunan Ibn Majah dans son Sunan. Et donc c'est le sharh de Sheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah ta'ala, et on est arrivé au chapitre dans cette introduction qui s'intitule Babun ta'zim hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam والتغليظ على من عرضه. Et le titre donc de ce chapitre, ça signifie en français le chapitre sur le respect du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la gravité pour celui qui s'y oppose ou qui s'objecte à quelque chose de sa sunna. Et le premier hadith, il y a deux hadiths dans cette introduction-là, il y en a plus que deux, mais les deux premiers qu'on va expliquer dans ce sous-chapitre, c'est selon Al-Miqdad Ibn Ma'di Karib Al-Kindi radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, yushikur rajul muttaki'an ala arikatih يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. قال الشيخ الألباني صحيح. وعن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الشيخ الألباني صحيح. Donc les deux hadiths, on va les traduire, puis après on va lire l'explication, inshallah. Donc le premier hadith, c'est selon Al-Miqdad Ibn Ma'di Karib Al-Kindi radiyallahu anhu, un des sahaba. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il dit c'est possible que quelqu'un soit allongé sur son sofa ou son divan, et que on lui mentionne un hadith parmi mes hadiths, une parole parmi mes paroles, et il dit entre nous et vous il y a le livre d'Allah, ce qu'on y trouve comme étant halal, nous le rendons halal, et ce qu'on y trouve comme étant haram, nous le rendons haram. Et il dit ensuite, certes, ce que le messager d'Allah a rendu haram, c'est comme ce que Allah a rendu haram. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré haram et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré haram. Et ça, c'est un hadith qui est déclaré sahih par Sheikh Al-Albani. L'autre hadith, c'est le hadith qui est rapporté selon Ubayd ibn Abi Rafi', selon son père, il dit, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que je ne trouve pas l'un d'entre vous allongé sur son sofa ou son divan et il lui vient un ordre parmi ce que j'ai ordonné ou de ce que j'ai interdit, puis il dit je ne sais pas, ce que nous avons trouvé dans le livre d'Allah nous l'avons suivi, nous le suivons. Et ça aussi c'est déclaré sahih par Sheikh Al-Albani. Sheikh Ubayd il explique maintenant ces deux hadiths. Et ça c'est deux hadiths très importants parmi les hadiths qui réfutent ceux qui ne prennent pas la sunna et qui veulent dire qu'ils se basent que sur le Coran. Donc le Sheikh il dit « في هذين الحديثين من فقه الأصل أصول دين الإسلام ما يأتي الأمر الأول تأمل الترجمة وجوب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتوقيره كما يكون بالاستسلام له والانقياد لما تضمنه أمرا ونهيا وعدم معارضته ولهذا قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عرضه إذن متقرر عند أئمة السنة هذان الأمران توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله إجلالا لصاحبه إجلالا لصاحبه صلى الله عليه وسلم وللمحدث عنه وذلكم لما قام عليه الدليل لما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة أن السنة هي وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل عليه الصلاة والسلام في الشرع بشيء من تلقاء نفسه ونذكرها هنا أمورا ثلاثة تتعلق باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم كل مسلم ومسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوس الأمة بما يوحيه الله إليه وأحيانا يجتهد صلى الله عليه وسلم واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن أحوال ثلاثة. Donc pour commencer, le Cheikh il dit que ces deux hadiths là, dans ces deux hadiths il y a de la compréhension de la base de l'islam. Parmi les fondements de l'islam, il y a les choses suivantes. La première chose, al-amr al-awwal. Méditons un peu sur le titre qui a été donné à ce chapitre. Et on voit que c'est le titre de l'obligation de respecter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le respect du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en bien entendu en le respectant et également en se soumettant à ses ordres et en obéissant à ce qu'il nous ordonne, que ce soit un ordre ou une interdiction, et de ne pas s'objecter ou s'opposer à son commandement, comme ici on voit que l'imam Ibn Majah il a dit rahimahullah le chapitre sur le respect du hadith du messager ou du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la sévérité, la gravité de s'opposer ou de s'objecter à son hadith ou à sa parole. Et donc ça c'est une chose qui a été établie et qui est établie et qui est reconnue chez les imams de la sunna. Ces deux fondements et ces deux principes sont reconnus chez tous les imams de la sunna, que nous devons respecter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et nous devons yani, le respecter lui-même, respecter son hadith et respecter la personne qui al-muhaddith anhu, celui au nom de qui il parle. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, c'est une révélation qui lui est transmise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit que ça, c'est parce que c'est établi, la preuve est établie dans le livre d'Allah, dans la sunna, et dans le consensus des imams de la sunna, que la sunna est une révélation qui est envoyée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'a jamais rien dit au sujet de la législation religieuse et la révélation. Il n'a jamais rien dit de par lui-même. Tout ce qu'il mentionne, c'est une révélation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le verset 3 et 4 dans surat Al-Najm. Et c'est-à-dire qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Et donc, pour que chaque musulman et musulmane sache que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il gère les affaires de la Ummah, eh bien, il les gère par ce que Allah lui a révélé. Et parfois aussi, il fait des efforts de jugement et il juge selon son jugement, alayhi salatu wa salam. Et ça ne sort pas de trois cas. Et là, il va énumérer les trois cas en question. Il dit إِحْدَاهَا مَا نَزَلَ الْوَحْيُ بِمُوَافَقَتِهِ. C'est-à-dire, le premier cas, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un jugement, de par son jugement lui-même, il juge sur quelque chose, c'est-à-dire sans qu'il ait une révélation à son sujet. Et il y a trois cas possibles. Le premier cas, c'est lorsque ce qu'il a donné comme jugement, c'est en accord avec ce qui a été révélé. Le deuxième cas, ثانيه ما سكت الوحي عنه فلم ينزل على حياله بوفاق ولا خلاف وهذان شرع اما الاول فواضح واما الثاني فوجهه ان الله عز وجل لا يقر نبيه على خطا صلى الله عليه وسلم. Donc le deuxième, la première on a dit, c'est ce qui est en accord avec ce qui a été révélé. La chose qu'il a jugée, qui est en accord avec ce que Allah a révélé, alors dans ce cas-là, hein, ça fait partie de... Yani, il dit le cheikh que ça, c'est une chose qui est légiférée. La deuxième aussi, c'est-à-dire ce au sujet de quoi la charia s'est tue. Yani, la charia n'a pas émis un verdict, ni en accord, ni en contradiction de cette chose, de ce jugement. Donc, il dit le cheikh que dans ce cas-là, ça c'est une législation aussi. C'est légiféré dans ce cas-là. Ça veut dire que ça fait partie de la religion. Le premier et le deuxième font partie donc de ce qui est légiféré et révélé. Et la question à ce sujet-là, c'est clair. Pourquoi ? Parce que la première, c'est en accord avec la révélation. Et la deuxième, eh bien, si c'était une erreur, si le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une erreur, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas permis de rester sur cette erreur-là sans le corriger. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était trompé dans son jugement, Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait révélé la correction et la clarification de cette erreur-là. Et le troisième, الثالثة ما نزل الوحي بخلافه وهذا ليس بشرع ولكن ليحذر المسلم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا نبي الله اصطفاه واجتباه وهداه لما لم يؤته الخلق من الهدى فكل نبي هو أخشى أمته لله وأدقاهم لله وأنصحهم لأمته ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أخشى الخلق لله وأتقاهم لله وأنصحهم لله. Donc le cheikh il dit le troisième cas, c'est lorsque la révélation a été révélée en contradiction avec son jugement. Et ça, c'est clair que ça ne fait pas partie avec, ça ne fait pas partie de la révélation dans ce cas-là. Et donc, par contre, le musulman doit faire attention de ne pas attaquer ou insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, il l'a rapproché, il l'a guidé, et il lui a donné ce qu'il n'a donné à personne d'autre parmi les créatures comme guidance. Donc tout prophète, il est le plus pieux de sa nation, de sa umma pour Allah, envers Allah. Et le plus pieux est celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala, et le plus sincère aussi envers sa umma. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a le plus de crainte parmi les créatures envers Allah, et le plus de piété envers Allah, et le plus de sincérité envers Allah. Na'am. La deuxième chose qu'on peut mentionner par rapport à ce hadith, c'est la chose suivante, ou bien la, ça c'est As-Surah Al-Thaniya. Il dit « Ma huwa bayan li mujmal al-Qur'an » Donc « Al-Amru Al-Thani alladhi yufidu hadhan al-hadithan min fiqh al-usul fi al-din » أن السنة يجب العمل بها كما يجب بالقرآن ومن هنا مكانة السنة من القرآن على الصغر. OK. Le deuxième point qu'on peut tirer de ces deux hadiths par rapport au fondement de l'islam et au fondement de la religion, c'est que la sunna, il est obligatoire de la mettre en application de la même manière qu'il est obligatoire pour le musulman de mettre le Coran en application. Et c'est ainsi que nous comprenons que le statut de la sunna par rapport au Coran, il est de trois différentes possibilités. Donc on va expliquer les trois cas. Le premier cas, As-Surah Al-Ula, ma huwa bayanun li mujmal al-Qur'an, ka sifat al-salah, wa sifat al-wudu, wa sifat al-tayammum, wa sifat al-hajj. Fa hadhihi al-ahkam ja'at fi al-Qur'an mujmalatan wa bayyanatha sunnatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier exemple de la sunna par rapport au Coran, c'est ce qui vient clarifier ce qui est général dans le Coran. C'est-à-dire que la sunna, elle vient parfois clarifier ce qui est général dans le Coran, comme les descriptions de la salat, la description de comment faire le wudu, la description de comment faire le tayammum, la description de comment faire le hajj. Ça, c'est des descriptions, des règles détaillées de ce qui est expliqué de façon générale dans le Coran. C'est la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous l'explique et qui nous la clarifie. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, As-Surah Al-Thaniya, taqyid mutlaq al-Qur'an. Fa'idha warad al-hukm mutlaqan fi al-Qur'an, qayyadathu as-sunna. أو قيدته سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أو من ذلكم وجوب الحج في العمر مرة واحدة في وجوب الحج في العمر مرة وهذا التقييد جاء في السنة أما القرآن أعني قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإن الناظر في عموم هذه الآية يظهر له واضحا أن الحج واجب على الدوام ولكن قيدت هذا الإطلاق السنة أو قيدت هذا الإطلاق السنة. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم ولما استطعتم. وفي رواية أخرى أن الأقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ يسأل الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. Donc, le deuxième exemple que le cheikh il a mentionné, c'est le cas où la sunna vient restreindre ce qui n'est pas ce qui est général ou absolu dans le Coran. Comme par exemple, il y a des verdicts qui sont absolus, c'est-à-dire il n'y a pas de restriction dans ces verdicts-là dans le Coran. On mentionne uniquement le fait que quelque chose est obligatoire, mais sans aucune limite, sans aucun nombre, sans aucune restriction ou limitation ou condition. Puis on regarde dans la sunna, puis on voit que dans la sunna, il y a une limitation et une restriction ou des conditions qui ont été rajoutées pour compléter ce verdict. Comme par exemple, on sait que nous avons l'obligation de faire le hajj au moins une fois dans la vie. Ça, c'est l'obligation, c'est une fois. Mais on regarde l'obligation dans le verset dans le Coran qui ordonne de faire le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 97 dans sourate al-hajj: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aux hommes de faire le hajj à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, pour celui qui en a la capacité. Mais on ne voit pas dans le verset un nombre spécifique. On ne voit pas un nombre spécifique de façon explicite pour savoir est-ce que c'est obligatoire chaque année, est-ce que c'est obligatoire combien de fois, une fois, plusieurs fois, ce n'est pas spécifié. Et on voit que dans la sunna, il y a l'explication de le nombre de fois est mentionné. Le nombre de fois est mentionné dans la sunna. Par exemple, dans le hadith dans lequel le prophète sallam a dit aux musulmans: « Oh, vous les gens, le hajj, Allah vous l'a rendu obligatoire, alors faites le hajj. » Et un homme a dit: « Est-ce que c'est à chaque année, au messager d'Allah ?» Et le prophète sallam n'a pas répondu. Jusqu'à ce que l'homme répète trois fois la question: est-ce que c'est à chaque année au messager d'Allah? Est-ce que c'est à chaque année au messager d'Allah? Et le messager d'Allah, après la troisième fois, il a répondu, il a dit: et si j'avais dit oui, ce serait devenu obligatoire. Et vous n'auriez pas pu le faire. Hein? Parce que chaque année, ce n'est pas possible pour tous les musulmans de faire le hajj à chaque année. Hein? Imaginez aujourd'hui si on devrait faire le hajj à chaque année. Ce ne serait pas possible. Surtout avec le nombre déjà qu'il y a de musulmans qui font le hajj. Même maintenant, et c'est juste un petit nombre par rapport à la quantité totale des musulmans, déjà il y a beaucoup de monde et ça devient difficile. Alors imaginez si tous les musulmans devaient le faire, ce ne serait pas possible. Et donc, ici... le cheikh il mentionne une autre narration de ce hadith. Celle-ci c'était la narration de l'imam Muslim dans son sahih, et il y a l'autre narration qu'il a mentionné qui est rapportée par l'imam Ahmad et An-Nasa'i, Abu Daoud et Ibn Majah dans Al-Manasik, et c'est une narration qui est authentifiée par Cheikh Al-Albani aussi. Il dit dans une autre narration, c'est rapporté que Al-Aqra' Ibn Habis a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, Le Hajj, est-ce que c'est à chaque année ou une seule fois? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est obligatoire une seule fois. Et tout ce qui est au-dessus de ça, si tu fais au-delà d'une fois, alors dans ce cas-là, c'est des Hajj surérogatoires. Ça veut dire que c'est des Hajj supplémentaires, volontaires que tu fais. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, ou le troisième exemple que le Cheikh il a mentionné à ce sujet, السورة الثالثة كذلك عند أهل السنة العمل بالسنة فرض سواء كان مما صحت به السنة وجاء في القرآن أم لم يرد في القرآن. فالمثال الأول النهي عن الجمع بين الأختين وهذا في صريح القرآن. والمثال الثاني النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها أي في الكتاب في عصمة واحدة في النكاح في عصمة واحدة. Donc le Cheikh il donne un exemple du troisième cas. Également il dit les gens de la Sunna, ils agissent selon la Sunna et ils considèrent que c'est une obligation d'appliquer ce qui est obligatoire de la Sunna, peu importe que ce soit uniquement dans le Coran et que ça ne soit pas mentionné dans peu importe que ce soit uniquement mentionné dans la Sunna et que ce ne soit pas mentionné dans le Coran. Du moment que c'est mentionné dans la Sunna authentique, alors ça suffit. Du moment que c'est mentionné dans la Sunna authentique, alors ça suffit pour qu'on ait l'obligation de le mettre en application, même si ce n'est pas mentionné dans le Coran. Parce qu'il y a des musulmans, malheureusement, ils n'ont pas bien compris l'importance de la Sunna dans l'islam. Ils pensent que si c'est écrit dans le Coran, alors là c'est obligatoire. Mais si ce n'est pas écrit dans le Coran, alors dans ce cas ce n'est pas obligatoire. C'est comme recommandé. Et la raison pourquoi beaucoup de musulmans se trompent par rapport à ça, c'est parce qu'ils ne réalisent pas qu'il y a différentes significations du terme sunna. Il y a différentes significations du terme sunna. Le terme sunna, pour les ulama de fiqh, eux, quand ils parlent du terme sunna, ils veulent dire ce qui est recommandé de faire. Toutefois, lorsqu'on parle de la sunna dans l'islam de façon générale, ça signifie la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça comprend pas seulement ce qui est recommandé, mais ça comprend tout ce qui peut être recommandé ou obligatoire aussi. D'accord? Et donc, ici, le cheikh, il explique que ce qui est obligatoire dans la sunna, tu dois le mettre en application, même si c'est pas mentionné dans le Coran. Et donc, il va donner des exemples de ça. Il donne un exemple de l'interdiction de se marier avec deux sœurs. Et ça, c'est mentionné dans le Coran. Par exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim, selon que Habiba a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, il dit, ya Rasulallah, ankih ukhti. بنت أبي سفيان قال وتحبين وتحبين قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. Al-Hadith. Donc, c'est Habiba, la mère des croyants, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Abi Sufyan. Elle dit, ô messager d'Allah, pourquoi n'épouserais-tu pas ma sœur? Elle dit, ô messager d'Allah, pourquoi n'épouserais-tu pas ma sœur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit, tu aimerais ça? Hein? Tu aimerais que j'épouse ta sœur? Elle dit oui. Et elle dit, je ne veux pas t'avoir à moi seul. J'aimerais aussi que ma sœur puisse, partager ce bien avec moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant, ceci ne m'est pas permis. Ceci ne m'est pas permis. Hein? Certes, cela ne m'est pas permis. Et ça, c'est également mentionné dans le Coran, le verset 23 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. Hein, parmi les interdictions par rapport au mariage, de réunir entre deux sœurs. Hein? وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. Donc ça c'est l'explication. Donc le verset 23 dans Sourate An-Nisa qui est une confirmation. Donc ça c'est le verdict à ce sujet-là, il est clair. Donc ça on voit que c'est dans le Coran et c'est dans la Sunna aussi, les deux. C'est dans le Coran et c'est dans la Sunna. Toutefois, il y a un exemple que le cheikh il a donné, le fait de réunir entre une femme et sa tante. C'est-à-dire d'épouser une femme et sa tante maternelle, ou d'épouser une femme et son oncle maternel, et sa tante paternelle. Non, donc d'épouser une femme et sa tante maternelle, et d'épouser une femme et sa tante paternelle, ça c'est pas permis en même temps. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, il a épousé une femme, puis que par la suite elle est morte ou bien il l'a divorcée, après, il a voulu épouser sa tante paternelle ou maternelle. Ça, c'est permis, parce que ce n'est pas en même temps. De même que s'il veut épouser deux sœurs, c'est-à-dire qu'il a épousé une sœur, puis après, soit elle est divorcée, ou bien soit elle est décédée, il peut marier une autre sœur. Ça, ce n'est pas interdit. Mais de les marier les deux en même temps, ça, ce n'est pas permis. C'est ça qui est interdit. Et ça, ce n'est pas mentionné dans le Coran pour les deux, la femme et sa tante. Ce n'est pas mentionné dans le Coran, mais c'est mentionné dans la Sunna. Hein? Et le cheikh, il a cité le hadith, il dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim également. Selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, il a dit, « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal, « La yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha, wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'a pas le droit de réunir entre une femme et sa tante maternelle et paternelle, et une femme et sa tante maternelle. Ça c'est aussi interdit. Malgré que ce n'est pas mentionné dans le Coran. Donc ce n'est pas obligatoire que pour que quelque chose soit interdit, que ce soit mentionné absolument dans le Coran. Si c'est mentionné dans la Sunna, ça suffit pour être interdit. Hein? Parce que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est comme ce que Allah a interdit. Et ce qu'il a ordonné, c'est la même chose que ce que Allah a ordonné. Il dit, وَمِثَالٌ آخَرْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ جَلْدُ الْبِكْرِ الزَّانِ مِئَةَ جَلْدَةٍ مِئَةٍ وَجَاءَ فِي السُّنَّةِ مِثْلَهُ ويزيد حكم آخر وهو ترغيب عام والمسلمون على هذا. Donc un autre exemple, il y a la mention de la peine pour le fornicateur. Et la peine qui est mentionnée dans le Coran, dans le verset 2, dans Sourate An-Nur, c'est la flagellation de 100 coups de fouet pour le fornicateur. C'est-à-dire celui qui n'est pas marié et qui a eu des rapports en dehors du mariage. Il ne s'est pas marié, puis il a eu des rapports sexuels avec une femme. Il sera donc fouetté 100 coups de fouet. Pardon. 100 coups de fouet. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, « Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne de donner 100 coups de fouet pour le fornicateur et la fornicatrice. Et dans la sunna, il y a la mention de l'exil pendant un an. Et ça, ce n'est pas écrit dans le Coran, c'est uniquement mentionné dans la Sunna. Et c'est rapporté par exemple selon l'imam al-Bukhari, selon Zayd ibn Khalid, radiallahu anhu, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Ya'muru fi man. Il dit: Sami'tu al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, Ya'muru fi man zana, wa lam yuhsan, jalda mi'atin. Wa targhib am, ça veut dire l'exiler pendant un an. Donc, en plus de lui donner 100 coups de fouet, il va être exilé pendant un an. Et les musulmans ont toujours appliqué ça, malgré que c'est l'exil d'un an n'est pas mentionné dans le verset. C'est mentionné uniquement dans la sunna. Le point numéro 3 de qu'est-ce qu'on peut tirer parmi les fondements de ces deux hadiths, al-amr al-thalith ar-radd 'ala ta'ifat al-qur'aniyya wa hum alladhina ya'maluna bil-qur'ani faqat wa la ya'ba'una bis-sunnah wa qad sabaqahum ila dhalika al-khawarij fa inna al-khawarij في كثير من الأحكام لا يعملون بالسنة أبدا لا سيما إن كانت آحادا يقولون لا ندع القرآن لأخبار آحاد يجوز كذبها وصدقها والواقع يرد هذا فضلا عن الشرع فمن ناحية الواقع أن المتكلم إذا أجمل كلامه وبسطه في موضع آخر أو فسره يرجع إلى تفسيره يرجع إلى تفسيره أو بسطه أما من جهة الشرع فما أجمل في القرآن فيطلب تفسيره من القرآن نفسه فإن لم يوجد فمن السنة مع التنبيه إلى أنه لا يوجد في الشريعة مجمل دون بيان وأما وفي أحاديث الباب ذلك علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فإنه وقع ما أخبر عنه وجد الخوارج ووجد غيرهم ممن يردون السنة بحجة أنها تعارض القرآن وهذا فيه تنبيه إلى الحذر من أهل الأهواء. Donc le cheikh il dit, le troisième point c'est la réfutation de ceux qu'on appelle les coranites, al-Qur'aniyoun, c'est-à-dire ceux qui ne croient que au Coran et qui rejettent la Sunna. Ils n'appliquent rien de la Sunna. Ils disent nous n'appliquons que le Coran. Et le cheikh il dit, on a déjà vu des exemples de ces gens-là chez les Khawarij, parce qu'une de leurs caractéristiques c'est qu'ils rejettent beaucoup des règles de la Sunna. Ils ne les appliquent pas, en particulier si elles sont, comme ils considèrent eux, ahad. On a expliqué au dernier cours, ahad, que c'est une division qui a été innovée par les gens de bid'ah pour distinguer entre des hadiths qui sont rapportés par un grand nombre et des hadiths qui sont rapportés par moins de personnes. Et ils essaient de dire que si le hadith n'a pas été rapporté par un grand nombre, alors dans ce cas-là, il ne nous apporte pas de la science et on ne peut pas être convaincu de ce qui est dedans. Et ils prennent uniquement les hadiths, soi-disant, qui sont rapportés par un grand nombre. Et on a vu au dernier cours que ça, c'est un mensonge aussi, puisque même si c'est dans le Coran, ils ne le prennent pas, si c'est en contradiction avec leur croyance, puisque même si le Coran, ils savent très bien que c'est mutawatir, qu'il y a un grand nombre qui l'ont rapporté, mais ils vont chercher une autre façon de le rejeter, c'est en disant que sa compréhension est ahad, ou bien ils vont dire, yani, هو يعني ظني الدلالة ليس قطعي الدلالة. Donc ils vont dire c'est pas la ça c'est qu'est-ce qu'elle indique n'est pas certain, c'est uniquement possible ou يعني disons que c'est supposé, mais c'est pas clair que c'est pas certain la signification ou des choses de ce genre. Donc ils détournent le sens s'ils sont pas capables de rejeter l'authenticité du texte. Hein, ils vont remettre en question le sens du texte. Et on a expliqué au dernier cours que la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah par rapport à ça, c'est qu'on accepte le hadith, même si le hadith il est ahad, ou il est rapporté par peu de gens, du moment qu'il est authentique, il est accepté. Il n'y a pas de question de savoir, par exemple, est-ce que c'est un grand nombre ou un petit nombre. Ce n'est pas ça l'important. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé parfois des sahaba à des gens. Ils étaient seuls pour leur enseigner l'islam. Il a envoyé au Yémen Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, il était tout seul hein, pour leur enseigner l'islam. Est-ce que les gens du Yémen vont dire « Ah, mais toi, tu es ahad. On va pas prendre ce que tu nous dis. » Il faut que tu nous ramènes 40 sahabis et là on va croire ce que tu dis. Non. Donc, il y a plein d'exemples de ça dans la sunna. Du moment que la personne qui nous ramène le hadith, hein, c'est un sahabi, et du moment que le hadith est rapporté par des gens parmi les narrateurs de hadith qui sont connus pour leur mémoire, qui sont connus pour leur honnêteté, on n'a pas de raison de remettre en question l'authenticité de cette parole. Et ensuite, un autre point aussi qui est important, c'est que ces gens-là, s'ils prétendent qu'ils prennent que pour le Coran, comment ils peuvent faire la salat? Comment ils peuvent faire le hajj? Comment ils peuvent faire le jeûne? Comment ils peuvent faire la zakat? Puisque les détails de ces choses-là sont mentionnés uniquement dans la sunna. Donc, ils vont faire comment pour prier? Et ils vont faire comment pour faire la salat, le fajr, ou le maghrib, ou l'isha, ou le dhuhr? Hein? Ils ne savent pas combien de rak'at, ils ne savent pas combien de sujoud, ils ne savent pas quoi dire dans le recours, ils ne savent pas quoi dire dans le sujoud, ils ne savent pas comment réparer la salat s'ils se trompent. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ils ne savent pas comment faire salat al-Eid, ils ne savent pas comment faire salat al-Khusuf, ils ne savent pas comment faire salat al-Janaza, ils ne savent pas comment faire... Toutes ces prières sont mentionnées dans la sunna. Toutes ces explications détaillées sont dans la sunna. Celui qui ne croit pas en la sunna, il ne peut pas appliquer ces principes de la religion. La zakat, la même chose. Hein? C'est quoi le nisab pour l'or et pour l'argent, et le nisab pour les céréales et les fruits secs, et c'est quoi le nisab pour les bétails, les vaches, les chameaux, les moutons, c'est quoi le nisab, c'est quoi le pourcentage qu'on doit donner sur ça, et est-ce que c'est une année qu'il faut attendre, ou deux années, ou trois années? Ça c'est mentionné dans la sunna. Si tu ne connais pas la sunna, comment tu vas faire pour appliquer ça, hein? La même chose pour les autres principes de par exemple, de Ramadan. Comment tu vas faire pour savoir quand est-ce que tu vas jeûner? De quel mois, de quel jour à quel jour? De quelle partie de la journée jusqu'à quelle partie de la journée? Et les détails de ça. Hein? Tout ça, c'est mentionné dans la sunna. Donc, celui qui renie la sunna, il ne peut pas pratiquer l'islam. Celui qui renie la sunna, il ne peut pas pratiquer l'islam. Non, et il ne peut pas non plus savoir qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram dans la religion. Il y a beaucoup de choses qui ont été clarifiées uniquement dans la sunna. Donc, la personne qui renie la sunna, en réalité, ne croit pas en l'islam. Il a rejeté l'islam. Et parmi les groupes qui font partie de cette tendance-là, il y a une secte qui est déviée et qui fait partie des sectes égarées de l'islam. Et on les considère même pas musulmans, parce que la plupart des musulmans, des ulamas de l'islam, ils ont dit que ces gens-là ne sont pas musulmans. C'est ce qu'on appelle les Qadianiyya, l'Ahmadiyya. Donc la secte des Qadianiyya, Ahmadiyya, ça c'est des gens qui disent que que eux ils croient en un prophète qui est venu après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son nom c'est Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, et ils disent que lui c'était un prophète qui est venu en aide quelque part dans un endroit qui s'appelle Qadian. C'est pour ça qu'ils l'appellent Qadianiyya. Et le gars, il s'est déclaré lui-même prophète. C'était pendant la colonisation anglaise de l'Inde. Et beaucoup de spécialistes et d'historiens, ils ont confirmé que ce groupe-là, il a été en fait mis en place et fondé et financé par les Anglais. Hein? Donc, on voit que ce groupe, par exemple, de Qadianiyya, aujourd'hui, ils sont... parmi leurs les pays qui les accueillent, c'est les pays occidentaux justement, et ils ont même, je crois, leur centre, en tout cas ils ont une grosse mosquée ici dans l'ouest du Canada, je pense à Edmonton, et ils ont même une ville complète pour eux là-bas. Une des plus grosses mosquées à Montréal, au Canada, c'est, ça leur appartient. Tu vois, c'est pour dire. Et même les Qadianiyya, les Ismaïliyya aussi. Les Ismaïliyya, ce n'est pas des musulmans. Et ils se disent musulmans. Même les Shia, ils se disent Shia, mais même les Shia les déclarent kuffariens. C'est pour dire. Les Ithna Ashriya, ils ne considèrent pas les Ismaïliyya comme étant des musulmans. Donc, c'est pour dire, les Ismaïliyya, la même chose. Hein? Leur chef qui est Aga Khan, eh ben, il est dirigeant d'aucun pays, mais il a le titre, hein, au Canada comme étant un dignitaire, comme un chef d'État. Quand il vient au Canada, ils le reçoivent comme si c'était un chef d'un pays. Ils l'ont même invité au Parlement pour parler, faire des discours. Oui. Exactement. Le premier ministre, il avait même été invité sur l'île privée de Aga Khan pour ses vacances, et ça lui a causé des problèmes même à cause de ça. Donc c'est pour dire, ils lui ont offert l'ancien musée de la guerre. Hein? L'ancien musée de la guerre à Ottawa, je crois. Ils en ont fait un centre, soi-disant, pour la culture, puis en tout cas toutes sortes d'idéologies comme ça. Alors qu'on sait qu'à l'origine, les Ismaïliyya, c'était des tueurs, des assassins, des terroristes. Hein? Dans l'histoire, c'est connu. C'est de eux qu'on appelle, le nom vient des Hachachiyin. C'est de eux, même de ce mot-là que vient le mot en français assassin. Ça vient de ce mot-là, Hachachiyin. Donc, c'est pour dire, yani, Allah al-Musta'an, comment les choses changent avec le temps. Mais c'est tous ces gens-là, c'est tous les, vous allez voir, toutes les sectes qui ont dévié de l'islam, ils ont tous un point en commun, c'est leur attitude vis-à-vis de la sunna qu'ils rejettent. Que ce soit les Shia, Rafida, que ce soit les Khawarij, que ce soit les Soufiya, que ce soit d'autres tendances, ils ont tous une attitude, hein, incorrecte vis-à-vis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, فمن ناحية ناحية الواقع أن المتكلم إذا أجمل كلامه وبسطه في موضع آخر وفسره يرجع إلى تفسيره. Donc il dit de façon générale, il dit si tu regardes quelqu'un qui parle dans un contexte, il dit des choses qui sont générales, eh bien tu vois qu'ailleurs, s'il a expliqué ou détaillé ce qu'il a dit, tu peux retourner à son explication. En ce qui concerne sur le plan de la révélation, eh bien, ce qui a été mentionné de façon générale dans le Coran, on retourne à d'autres versets qui les expliquent en détail. Parce que le Coran explique le Coran. C'est-à-dire qu'il y a des versets du Coran qui sont mentionnés à des endroits de façon générale, et dans un autre verset, tu retournes plus loin, ou dans une autre sourate, et tu retrouves les détails, les explications détaillées de ce qui a été mentionné dans un autre verset. Donc ça, c'est ce que les ulama appellent le tafsir du Coran par le Coran. Et il y a aussi le tafsir du Coran par la sunna. Si on ne trouve pas d'explication du Coran dans le Coran, on retourne à la sunna par la suite pour voir est-ce que dans la sunna il y a des détails et des explications de qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. D'accord? Et donc il dit فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ فَمِنَ السُنَّةِ مَعَ التَّنْبِيهِ إِلَا أَنَّهُ لَا يُوْجَدْ. Donc il dit en mentionnant en même temps que il n'y a pas quelque chose qui est général dans la sunna qui n'a pas été clarifié, ou dans le Coran, pardon. Il n'y a pas quelque chose dans la religion en général, dans la sharia, qui a été mentionné de façon générale, qui n'a pas été expliqué en détail. Et il dit donc, à propos des hadiths de ce chapitre, il dit à propos des hadiths de ce chapitre, on voit que ça c'est un signe de la prophétie. Puisque ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait indiqué, il avait dit que ça allait arriver. Il y aura une époque qui va venir que les gens vont, tu vas leur mentionner mon hadith, puis ils vont dire, entre nous et vous, il y a le Coran. Parle-moi pas des hadiths, amène-moi des preuves dans le Coran. Hein? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'il y allait avoir des gens qui vont faire ça. Et ça s'est produit, effectivement. Donc ça, c'est un des signes de la véracité de la prophétie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que on a trouvé ça chez les Khawarij, cette attitude, et chez d'autres également parmi les groupes déviés qui refusent la sunna en prétendant qu'elle s'oppose au Coran. Et il y a également dans ce hadith un avertissement de prendre garde aux gens de la passion, c'est-à-dire aux gens de l'innovation. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui dans ce livre, puis on continuera inshallah au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.